Bonjour à toutes et à tous. Je réalise depuis plusieurs mois une version audio du Progrès de l'Est, journal qui a vu le jour à Sherbrooke le 25 août 1883. Je présenterai ici ces articles tirés du Progrès de l'Est qui parlent de ce qui se passait dans notre région à l'époque. Cet extrait tiré de l'édition du 1er septembre 1883 cite une lettre d'un résident de la patrie impliqué auprès des immigrants belges venus s'installer dans les cantons de l'Est. Correspondance. Monsieur le rédacteur en chef, depuis 15 jours, j'ai quitté mon ermitage de la patrie et suis en villégiature à Sherbrooke et ses environs. La campagne est splendide, les récoltes promettent d'être abondantes, le temps se maintient au beau fixe et j'en profite pour visiter principalement les fermes dont les immigrants belges se sont rendus acquéreurs. Beaucoup d'entre eux avec lesquels j'ai beaucoup causé, car tous connaissent Paris pour y avoir travaillé, m'ont donné des nouvelles fraîches de cette grande cité. En revanche, je leur ai rendu l'appareil en leur parlant du Canada et des cantons de l'Est en particulier que j'habite depuis 7 ans. Ils sont généralement très contents et ne regrettent pas d'avoir quitté leur pays, car pour bien des immigrés, le proverbe latin « ubi bene, ubi patria » est tout. Cependant, quelques-uns ont eu à se plaindre du peu d'empressement et de bienveillance que le Bureau d'immigration de langue française de Sherbrooke a apporté à leur égard. Monsieur lieutenant Georges, que j'ai connu à Paris et qui habite Stoke Centre, a eu plus particulièrement à s'en plaindre. Il m'a raconté, samedi 8 du courant, au marché de Sherbrooke, qu'étant arrivé à Halifax le 10 avril, il avait laissé à cette gare un colis portant le numéro 223 qui devait suivre par les chars et qui, depuis cette époque, était devenu introuvable malgré les démarches faites par lui-même. Qu'alors, il avait prié l'employé du bureau français à Sherbrooke de faire une réclamation à cet effet, il lui fut répondu pour toute consolation qu'il pouvait considérer son colis comme perdu et qu'il était inutile de faire des démarches pour cela. Ce paquet, d'après lui, contenait pour 40 $ environ d'effets et graines. Déçu dans son espoir de rentrer en possession de ce colis, un sien compatriote lui suggéra de s'adresser au bureau anglais et, par suite des démarches faites par celui-ci, depuis, son colis est arrivé mercredi 15 août. « Du reste, m'a-t-il dit, je ne suis pas le seul qui ait à me plaindre du peu de bienveillance apportée par le bureau français pour les relations et services qu'il doit rendre aux immigrés. » C'est à sa sollicitation que je raconte cet épisode, car il n'est pas du tout satisfait. Ce paquet contenait, disait-il, diverses graines dont il n'a pu tirer profit ce printemps. J'ai vu avec satisfaction et plaisir que les cultivateurs belges sont tous très intelligents et instruits, et que, placés aux environs de Sherbrooke, ils trouveront un écoulement assuré pour leurs produits. J'ai été parfaitement accueilli par eux dans ma petite tournée. Si ces quelques lignes peuvent vous être d'une utilité quelconque, vous pouvez en faire ce que bon vous semblera. P. Delannoy, Sherbrooke, 20 août 1883.